Section 28 de Mémoire d'outre-tombe, volume 3. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johann. Troisième partie, livre 9e. Suite. Après ma présentation officielle à George IV, je le vis plusieurs fois. La reconnaissance des colonies espagnoles par l'Angleterre était à peu près décidée. Du moins, les vaisseaux de ces États indépendants paraissaient devoir être reçus sous leur pavillon dans les ports de l'Empire britannique. Ma dépêche du 7 mai rend compte d'une conversation que j'avais eue avec Lord Londonderry et des idées de ce ministre. Cette dépêche, importante pour les affaires d'alors, serait presque sans intérêt pour le lecteur d'aujourd'hui. Deux choses étaient à distinguer dans la position des colonies espagnoles relativement à l'Angleterre et à la France. Les intérêts commerciaux et les intérêts politiques. J'entre dans les détails de ces intérêts. Plus je vois le marquis de Londonderry, disais-je à M. de Montmorency, plus je lui trouve de finesse. C'est un homme plein de ressources qui ne dit jamais que ce qu'il veut dire. On serait quelquefois tenté de le croire bonhomme. Il a dans la voix, le rire, le regard quelque chose de M. Pozzo di Borgo. Ce n'est pas précisément la confiance qu'il inspire. La dépêche finit ainsi. Si l'Europe est obligée de reconnaître les gouvernements de fait en Amérique, toute sa politique doit tendre à faire naître des monarchies dans le Nouveau Monde, au lieu de ces républiques révolutionnaires qui nous enverront leurs principes avec les produits de leur sol. En lisant cette dépêche, monsieur le vicomte, vous éprouverez sans doute comme moi un mouvement de satisfaction. C'est déjà avoir fait un grand pas en politique que d'avoir forcé l'Angleterre à vouloir s'associer avec nous dans des intérêts sur lesquels elle n'eût pas daigné nous consulter il y a 6 mois. Je me félicite en bon français de tout ce qui tend à replacer notre patrie à ce haut rang qu'elle doit occuper parmi les nations étrangères. Cette lettre était la base de toutes mes idées et de toutes les négociations sur les affaires coloniales dont je m'occupais pendant la guerre d'Espagne, près d'un an avant que cette guerre éclatât. Le 17 mai, j'allais à Covent Garden, dans la loge du duc d'York. Le roi parut. Ce prince, jadis détesté, fut salué par des acclamations telles qu'il n'en aurait pas autrefois reçu de semblables des moines habitants de cet ancien couvent. Le 26, le duc d'York vint dîner à l'ambassade. George IV était fort tenté de me faire le même honneur, mais il craignait les jalousies diplomatiques de mes collègues. Le vicomte de Montmorency refusa d'entrer en négociation sur les colonies espagnoles avec le cabinet de Saint-James. J'appris le 19 mai la mort presque subite de M. le duc de Richelieu. Cet honnête homme avait supporté patiemment sa première retraite du ministère, mais les affaires venant à lui manquer trop longtemps, il défaillit parce qu'il n'avait pas une double vie pour remplacer celle qu'il avait perdue. Le grand nom de Richelieu n'a été transmis jusqu'à nous que par des femmes. Les révolutions continuaient en Amérique. Je mandais à M. de Montmorency, numéro 26, Londres, 28 mai 1822. Le Pérou vient d'adopter une constitution monarchique. La politique européenne devrait mettre tous ses soins à obtenir un pareil résultat pour les colonies qui se déclarent indépendantes. Les États-Unis craignent singulièrement l'établissement d'un empire au Mexique. Si le Nouveau Monde tout entier est jamais républicain, les monarchies de l'Ancien Monde périront. On parlait beaucoup de la détresse des paysans irlandais et l'on dansait afin de les consoler. Un grand bal paré à l'opéra occupait les âmes sensibles. Le roi, m'ayant rencontré dans un corridor, me demanda ce que je faisais là et, me prenant par le bras, il me conduisit dans sa loge. Le parterre anglais était, dans mes jours d'exil, turbulent et grossier. Des matelots buvaient de la bière au parterre, mangeaient des oranges, apostrophaient les loges. Je me trouvais un soir auprès d'un matelot, entré ivre dans la salle. Il me demanda où il était. Je lui dis « à Covent Garden ».« Pretty garden, indeed !»« Joli jardin, vraiment » s'écria-t-il, saisi, comme les dieux d'Homère, d'un rire inextinguible. Invité dernièrement à une soirée chez Lord Lansdowne, Sa Majesté m'a présenté à une dame sévère, âgée de 73 ans. Elle était habillée de crêpe, portait un voile noir comme un diadème sur ses cheveux blancs et ressemblait à une reine abdiquée. Elle me salua d'un ton solennel et de 3 phrases estropiées du génie du christianisme. Puis elle me dit, avec non moins de solennité, « Je suis Mistress Siddons ». Si elle m'avait dit « Je suis Lady Macbeth », je l'aurais cru. Je l'avais vue autrefois sur le théâtre dans toute la force de son talent. Il suffit de vivre pour retrouver ces débris d'un siècle jetés par les flots du temps sur le rivage d'un autre siècle. Mes visiteurs français à Londres furent M. le Duc et Mme la Duchesse de Guiche, dont je vous parlerai à Prague. M. le Marquis de Custine, dont j'avais vu l'enfance à Fervaques, et Mme la Vicomtesse de Noailles, aussi agréable, spirituelle et gracieuse que si elle eût encore erré à 14 ans dans les beaux jardins de Méréville. On était fatigués de fête. Les ambassadeurs aspiraient à s'en aller en congé. Le prince Esterhazy se préparait à partir pour Vienne. Il espérait être appelé au congrès, car on parlait déjà d'un congrès. M. Rothschild retournait en France après avoir terminé avec son frère l'emprunt russe de 23 millions de roubles. Le duc de Bedford s'était battu avec l'immense duc de Buckingham au fond d'un trou dans Hyde Park. Une chanson injurieuse contre le roi de France, envoyée de Paris et imprimée dans les gazettes de Londres, amusait la canaille radicale anglaise qui riait sans savoir de quoi. Je partis le 6 juin pour Royal Lodge, où le roi était allé. Il m'avait invité à dîner et à coucher. Je revis George IV le 12, le 13 et le 14 au lever, au drawing room et au bal de Sa Majesté. Le 24, je donnai une fête au prince et à la princesse de Danemark. Le duc d'York s'y était invité. C'eût été une chose importante jadis que la bienveillance avec laquelle me traitait la marquise de Conyngham. Elle m'apprit que l'idée du voyage de SMB au continent n'était pas tout à fait abandonnée. Je gardais religieusement ce grand secret dans mon sein. Que de dépêches importantes sur cette parole d'une favorite au temps de mesdames de Verneuil, de Maintenon, des Ursins, de Pompadour. Du reste, je me serais échauffé mal à propos pour obtenir quelques renseignements de la cour de Londres. En vain vous parlez, on ne vous écoute pas. Lord Londonderry surtout était impassible. Il embarrassait à la fois par sa sincérité de ministre et sa retenue d'homme. Il expliquait franchement de l'air le plus glacé sa politique et gardait un silence profond sur les faits. Il avait l'air indifférent à ce qu'il disait comme à ce qu'il ne disait pas. On savait ce qu'on devait croire de ce qu'il montrait ou de ce qu'il cachait. Il n'aurait pas bougé quand vous lui auriez lâché un saucisson dans l'oreille, comme dit Saint-Simon. Lord Londonderry avait un genre d'éloquence irlandaise qui souvent excitait l'hilarité de la Chambre des Lords et la gaieté du public. Ses blunders étaient célèbres, mais il arrivait aussi quelquefois à des traits d'éloquence qui transportaient la foule, comme ses paroles à propos de la bataille de Waterloo. Je les ai rappelées. Lord Harrowby était président du Conseil. Il parlait avec propriété, lucidité et connaissance des faits. On trouverait inconvenant à Londres qu'un président des ministres s'exprimât avec prolixité et faconde. C'était d'ailleurs un parfait gentleman pour le ton. Un jour, au Pâquis, à Genève, on m'annonça un Anglais. Lord Harrowby entra. Je ne le reconnus qu'avec peine. Il avait perdu son ancien roi. Le mien était exilé. C'est la dernière fois que l'Angleterre de mes grandeurs m'est apparue. J'ai mentionné M. Peel et Lord Westmoreland dans le congrès de Vérone. Je ne sais si Lord Bathurst descendait et s'il était petit-fils de ce comte Bathurst, dont Sterne écrivait « Ce seigneur est un prodige. À 80 ans, il a l'esprit et la vivacité de 30, une disposition à se laisser charmer et le pouvoir de plaire au-delà de tout ce que je connais. Lord Bathurst, le ministre dont je vous entretiens, était instruit et poli. Il gardait la tradition des anciennes manières françaises de la bonne compagnie. Il avait 3 ou 4 filles qui couraient, ou plutôt qui volaient, comme des hirondelles de mer, le long des flots, blanches, allongées et légères. Que sont-elles devenues? Sont-elles tombées dans le Tibre, avec la jeune Anglaise de leur nom? Lord Liverpool n'était pas, comme Lord Londonderry, le principal ministre, mais c'était le ministre le plus influent et le plus respecté. Il jouissait de cette réputation d'homme religieux et d'homme de bien, si puissante pour celui qui la possède. On vient à cet homme avec la confiance que l'on a pour un père. Nulle action ne paraît bonne si elle n'est approuvée de ce personnage saint, investi d'une autorité très supérieure à celle des talents. Lord de Liverpool était fils de Charles Jenkinson, baron de Hawkesbury, comte de Liverpool, favori de Lord Bute. Presque tous les hommes d'État anglais ont commencé par la carrière littéraire, par des pièces de vers plus ou moins bons et par des articles, en général excellents, insérés dans les revues. Il reste un portrait de ce premier comte de Liverpool lorsqu'il était secrétaire particulier de Lord Bute. Sa famille en est fort affligée. Cette vanité, puérile en tout temps, l'est sans doute encore beaucoup plus aujourd'hui. Mais n'oublions pas que nos plus ardents révolutionnaires puisèrent leur haine de la société dans des disgrâces de nature ou dans des infériorités sociales. Il est possible que Lord de Liverpool, enclin aux réformes et à qui M. Canning a dû son dernier ministère, fût influencé, malgré la rigidité de ses principes religieux, par quelques déplaisances de souvenirs. À l'époque où j'ai connu Lord Liverpool, il était presque arrivé à l'illumination puritaine. Habituellement, il demeurait seul, avec une vieille sœur, à quelques lieues de Londres. Il parlait peu, son visage était mélancolique, il penchait souvent l'oreille, il avait l'air d'écouter quelque chose de triste. On eût dit qu'il entendait tomber ces dernières années comme les gouttes d'une pluie d'hiver sur le pavé. Du reste, il n'avait aucune passion et il vivait selon Dieu. M. Croker, membre de l'amirauté, célèbre comme orateur et comme écrivain, appartenait à l'école de M. Pitt, ainsi que M. Canning, mais il était plus détrompé que celui-ci. Il occupait à Whitehall un de ces appartements sombres où Charles Ier était sorti par une fenêtre pour aller de plein pied à l'échafaud. On est étonné, quand on entre à Londres, dans les habitations où siègent les directeurs de ces établissements, dont le poids se fait sentir au bout de la terre. Quelques hommes en redingote noire devant une table nue, voilà tout ce que vous rencontrez. Ce sont pourtant là les directeurs de la marine anglaise ou les membres de cette compagnie de marchands, successeurs des empereurs du Mogol, lesquels comptent aux Indes 200 millions de sujets. M. Croker vint, il y a 2 ans, me visiter à l'infirmerie de Marie-Thérèse. Il m'a fait remarquer la similitude de nos opinions et de nos destinées. Des événements nous séparent du monde. La politique fait des solitaires, comme la religion fait des anachorètes. Quand l'homme habite le désert, il trouve en lui quelque lointaine image de l'être infini qui, vivant seul dans l'immensité, voit s'accomplir les révolutions des mondes. Dans le courant des mois de juin et de juillet, les affaires d'Espagne commencèrent à occuper sérieusement le cabinet de Londres. Lord de Londonderry et la plupart des ambassadeurs montraient, en parlant de ces affaires, une inquiétude et presque une peur risible. Le ministère craignait qu'en cas de rupture, nous ne l'emportassions sur les Espagnols. Les ministres des autres puissances tremblaient que nous ne fussions battus. Ils voyaient toujours notre armée prenant la cocarde tricolore. Dans ma dépêche du 28 juin, numéro 35, les dispositions de l'Angleterre sont fidèlement exprimées. Numéro 35. Londres, ce 28 juin 1822. Monsieur le Vicomte, il m'a été plus difficile de vous dire ce que pense Lord Londonderry relativement à l'Espagne qu'il ne me sera aisé de pénétrer le secret des instructions données à Sir W. A. Court. Cependant, je ne négligerai rien pour me procurer les renseignements que vous demandez par votre dernière dépêche numéro 18. Si j'ai bien jugé de la politique du cabinet anglais et du caractère de Lord Londonderry, je suis persuadé que Sir W. Harcourt n'a presque rien emporté d'écrit. On lui aura recommandé verbalement d'observer les partis, sans se mêler de leurs querelles. Le cabinet de St. James n'aime point les Cortés, mais il méprise Ferdinand. Il ne fera certainement rien pour les royalistes. D'ailleurs, il suffirait que notre influence exerçât sur une opinion pour que l'influence anglaise appuyât l'opinion contraire. Notre prospérité renaissante inspire une vive jalousie. Il y a bien ici, parmi les hommes d'État, une certaine crainte vague des passions révolutionnaires qui travaillent l'Espagne. Mais cette crainte se tait devant les intérêts particuliers. De telle sorte que si d'un côté la Grande-Bretagne pouvait exclure nos marchandises de la péninsule et que de l'autre elle pût reconnaître l'indépendance des colonies espagnoles, elle prendrait facilement son parti sur les événements et se consolerait des malheurs qui pourraient accabler de nouveau les monarchies continentales. Le même principe qui empêche l'Angleterre de retirer son ambassadeur de Constantinople lui fait envoyer un ambassadeur à Madrid. Elle se sépare des destinées communes et n'est attentive qu'au parti qu'elle pourra tirer des révolutions des empires. J'ai l'honneur, etc. Revenant dans ma dépêche du 16 juillet, numéro 40, sur les nouvelles d'Espagne, je dis à M. de Montmorency, numéro 40, Londres, ce 16 juillet 1822. Monsieur le Vicomte, les journaux anglais, d'après les journaux français, donnent ce matin des nouvelles de Madrid jusqu'au 8 inclusivement. Je n'ai jamais espéré mieux du roi d'Espagne et n'ai point été surpris. Si ce malheureux prince doit périr, le genre de la catastrophe n'est pas indifférent au reste du monde. Le poignard n'abattrait que le monarque, l'échafaud pourrait tuer la monarchie. C'est déjà beaucoup trop que le jugement de Charles Ier et que celui de Louis XVI. Le ciel nous préserve d'un troisième jugement qui semblerait établir par l'autorité des crimes une espèce de droit des peuples et un corps de jurisprudence contre les rois. On peut maintenant s'attendre à tout. Une déclaration de guerre de la part du gouvernement espagnol est au nombre des chances que le gouvernement français a dû prévoir. Dans tous les cas, nous serons bientôt obligés d'en finir avec le cordon sanitaire. Car une fois le mois de septembre passé et la peste ne reparaissant pas à Barcelone, ce serait une véritable dérision que de parler encore d'un cordon sanitaire. Il faudrait donc avouer tout franchement une armée et dire la raison qui nous oblige à maintenir cette armée. Cela n'équivaudrait-il pas à une déclaration de guerre au Cortés? D'un autre côté, dissoudrons-nous le cordon sanitaire? Cet acte de faiblesse compromettrait la sûreté de la France, avilirait le ministère et ranimerait parmi nous les espérances de la faction révolutionnaire. J'ai l'honneur d'être, etc., etc., etc. Depuis le congrès de Vienne et d'Aix-la-Chapelle, les princes de l'Europe avaient la tête tournée de congrès. C'était là qu'on s'amusait et qu'on se partageait quelques peuples. À peine le congrès commencé à Laibach et continué à Troppau était-il fini qu'on songea à en convoquer un autre à Vienne, à Ferrare ou à Vérone. Les affaires d'Espagne offraient l'occasion d'en hâter le moment. Chaque cour avait déjà désigné son ambassadeur. Je voyais à Londres tout le monde se préparer à partir pour Vérone. Comme ma tête était remplie des affaires d'Espagne, et comme je rêvais un plan pour l'honneur de la France, je croyais pouvoir être de quelque utilité au nouveau congrès en me faisant connaître sous un rapport auquel on ne songeait pas. J'avais écrit dès le 24 mai à M. de Montmorency, mais je ne trouvais aucune faveur. La longue réponse du ministre est évasive, embarrassée, entortillée. Un éloignement marqué pour moi s'y déguise mal sous la bienveillance. Elle finit par ce paragraphe. Puisque je suis en train de confidence, noble vicomte, je veux vous dire ce que je ne voudrais pas insérer dans une dépêche officielle, mais ce que m'ont inspiré quelques observations personnelles, et quelques avis aussi de personnes qui connaissent bien le terrain sur lequel vous êtes placé. N'avez-vous pas pensé le premier qu'il faut soigner vis-à-vis du ministère anglais quelques effets de la jalousie et de l'humeur qu'il est toujours prêt à concevoir sur les marques directes de faveur auprès du roi et de crédit dans la société ? Vous me direz s'il ne vous est pas arrivé d'en remarquer quelques traces. Par qui les plaintes de mon crédit auprès du roi et dans la société, c'est-à-dire, je suppose, auprès de la marquise de Conyngham, étaient-elles arrivées au vicomte de Montmorency? Je l'ignore. Prévoyant par cette dépêche privée que ma partie était perdue du côté du ministre des Affaires étrangères, je m'adressai à M. de Villèle, alors mon ami, et qui n'inclinait pas beaucoup vers son collègue. Dans sa lettre du 5 mai 1822, il me répondit d'abord un mot favorable. Paris, le 5 mai 1822. Je vous remercie, me dit-il, de tout ce que vous faites pour nous à Londres. La détermination de cette cour au sujet des colonies espagnoles ne peut influer sur la nôtre. La position est bien différente. Nous devons éviter par-dessus tout d'être empêchés, par une guerre avec l'Espagne, d'agir ailleurs comme nous le devons si les affaires de l'Orient amenaient de nouvelles combinaisons politiques en Europe. Nous ne laisserons pas déshonorer le gouvernement français par le défaut de participation aux événements qui peuvent résulter de la situation actuelle du monde. D'autres pourront y intervenir avec plus d'avantages, aucun avec plus de courage et de loyauté. On se méprend fort, je crois, et sur les moyens réels de notre pays, et sur le pouvoir que peut encore exercer le gouvernement du roi dans les formes qu'il s'est prescrites. Elles offrent plus de ressources qu'on ne paraît le croire, et j'espère qu'à l'occasion nous saurons le montrer. Vous nous seconderez, mon cher, dans ces grandes circonstances si elles se présentent. Nous le savons et nous y comptons. L'honneur sera pour tous, et ce n'est pas de ce partage dont il s'agit en ce moment. Il se fera selon les services rendus. Rivalisons tous de zèle à qui en rendra de plus signalé. Je ne sais en vérité si ceci tournera à un congrès, mais en tout cas, je n'oublierai pas ce que vous m'avez dit. De Villèle. Sur ce premier mot de bonne entente, je fis presser le ministre des Finances par Madame la Duchesse de Duras. Elle m'avait déjà prêté l'appui de son amitié contre l'oubli de la cour en 1814. Elle reçut bientôt ce billet de Monsieur de Villèle. Tout ce que nous disions est dit, tout ce qu'il est dans mon cœur et dans mon opinion de faire pour le bien public et pour mon ami est fait et sera fait, soyez-en certaine. Je n'ai besoin ni d'être prêché, ni d'être converti. Je vous le répète, j'agis de conviction et de sentiment. Recevez, madame, l'hommage de mon affectueux respect. Ma dernière dépêche, en date du 9 août, annonçait à M. de Montmorency que Lord Londonderry partirait du 15 au 20 pour Vienne. Le brusque et grand démenti au projet des mortels me fut donné. Je croyais n'avoir à entretenir le conseil du roi, très chrétien, que des affaires humaines, et j'eus à lui rendre compte des affaires de Dieu. Londres, 12 août 1822, à 4 heures de l'après-midi. Dépêche transmise à Paris par le télégraphe de Calais. Le marquis de Londonderry est mort subitement, ce matin, 12, à 9 heures du matin, dans sa maison de campagne de North Cray. Numéro 49, Londres, 13 août 1822. Monsieur le Vicomte, si le temps n'a pas mis obstacle à ma dépêche télégraphique, et s'il n'est point arrivé d'accident à mon courrier extraordinaire, expédié hier à 4 heures, j'espère que vous avez reçu le premier sur le continent la nouvelle de la mort subite de Lord Londonderry. Cette mort a été extrêmement tragique. Le noble marquis était à Londres vendredi, il sentit sa tête un peu embarrassée, il se fit saigner entre les épaules. Après quoi il partit pour North Cray, où la marquise de Londonderry était établie depuis un mois. La fièvre se déclara le samedi 10 et le dimanche 11, mais elle parut céder dans la nuit du dimanche au lundi, et lundi matin 12, le malade semblait si bien que sa femme qui le gardait crut pouvoir le quitter un moment. Lord Londonderry, dont la tête était égarée, se trouvant seul, se leva, passa dans un cabinet, saisit un rasoir, et du premier coup se coupa la jugulaire. Il tomba baigné dans son sang au pied d'un médecin qui venait à son secours. On cache autant qu'on le peut cet accident déplorable, mais il est parvenu défiguré à la connaissance du public et a donné naissance à des bruits de toute espèce. Pourquoi Londonderry aurait-il attenté à ses jours? Il n'avait ni passion ni malheur. Il était plus que jamais affermi dans sa place. Il se préparait à partir jeudi prochain. Il se faisait une partie de plaisir d'un voyage d'affaires. Il devait être de retour le 15 octobre pour des chasses arrangées d'avance et auxquelles il m'avait invité. La Providence en a ordonné autrement, et Lord Londonderry a suivi le duc de Richelieu. Voici quelques détails qui ne sont point entrés dans mes dépêches. À son retour à Londres, George IV me raconta que Lord Londonderry était allé lui porter le projet d'instruction qu'il avait rédigé pour lui-même et qu'il devait suivre au congrès. George IV prit le manuscrit pour mieux en peser les termes et commença à le lire à haute voix. Il s'aperçut que Lord Londonderry ne l'écoutait pas et qu'il promenait ses yeux sur le plafond du cabinet. « Qu'avez-vous donc, my lord ?» dit le roi. « Sire, répondit le marquis, c'est cet insupportable John, un jockey, qui est à la porte. Il ne veut pas s'en aller, quoique je ne cesse de le lui ordonner. » Le roi, étonné, ferma le manuscrit et dit « Vous êtes malade, my lord. Retournez chez vous. Faites-vous saigner. » Lord Londonderry sortit et alla acheter le canif avec lequel il se coupa la gorge. Le 15 août, je continuai mes dires à M. de Montmorency. On a envoyé des courriers de toutes parts, aux eaux, aux bains de mer, dans les châteaux, pour chercher les ministres absents. Au moment où l'accident est arrivé, aucun d'eux n'était à Londres. On les attend aujourd'hui ou demain. Ils tiendront un conseil, mais ils ne pourront rien décider, car en dernier résultat, c'est le roi qui leur nommera un collègue, et le roi est à Édimbourg. Il est probable que Sa Majesté britannique ne se pressera pas de faire un choix au milieu des fêtes. La mort du marquis de Londonderry est funeste à l'Angleterre. Il n'était pas aimé, mais il était craint. Les radicaux le détestaient, mais ils avaient peur de lui. Singulièrement brave, il imposait à l'opposition qui n'osait pas trop l'insulter à la tribune et dans les journaux. Son imperturbable sang-froid, son indifférence profonde pour les hommes et pour les choses, son instinct du despotisme et son mépris secret pour les libertés constitutionnelles en faisaient un ministre propre à lutter avec succès contre les penchants du siècle. Ses défauts devenaient des qualités à une époque où l'exagération et la démocratie menacent le monde. J'ai l'honneur, etc. Londres, 15 août 1822. Monsieur le Vicomte, les renseignements ultérieurs ont confirmé ce que j'ai eu l'honneur de vous dire sur la mort du marquis de Londonderry, dans ma dépêche ordinaire d'avant-hier numéro 49. Seulement, l'instrument fatal avec lequel l'infortuné ministre s'est coupé la veine jugulaire est un canif, et non pas un rasoir, comme je vous l'avais mandé. Le rapport du coroner, que vous lirez dans les journaux, vous instruira de tout. Cette enquête faite sur le cadavre du premier ministre de la Grande-Bretagne, comme sur le corps d'un meurtrier, ajoute encore quelque chose de plus affreux à cet événement. Vous savez sans doute à présent, monsieur le vicomte, que Lord Londonderry avait donné des preuves d'aliénation mentale quelques jours avant son suicide, et que le roi même s'en était aperçu. Une petite circonstance à laquelle je n'avais pas fait attention, mais qui m'est revenue en mémoire depuis la catastrophe, mérite d'être racontée. J'étais allé voir le marquis de Londonderry il y a 12 ou 15 jours. Contre son usage et les usages du pays, il me reçut avec familiarité dans son cabinet de toilette. Il allait se raser, et il me fit en riant d'un rire à demi sardonique l'éloge des rasoirs anglais. Je le complimentai sur la clôture prochaine de la session. « Oui, dit-il, il faut que cela finisse, ou que je finisse. J'ai l'honneur, etc. » Tout ce que les radicaux d'Angleterre et les libéraux de France ont raconté de la mort de Lord Londonderry, à savoir qu'il s'était tué par désespoir politique, sentant que les principes opposés aux siens allaient triompher, est une pure fable inventée par l'imagination des uns, l'esprit de parti et la niaiserie des autres. Lord Londonderry n'était pas homme à se repentir d'avoir péché contre l'humanité, dont il ne se souciait guère, ni envers les lumières du siècle pour lesquelles il avait un profond mépris. La folie était entrée par les femmes dans la famille Castlereagh. Il fut décidé que le duc de Wellington, accompagné de Lord Clanwilliam, prendrait la place de Lord Londonderry au Congrès. Les instructions officielles se réduisaient à ceci. Oublier entièrement l'Italie, ne se mêler en rien des affaires d'Espagne, négocier pour celles de l'Orient en maintenant la paix sans accroître l'influence de la Russie. Les chances étaient toujours pour M. Canning, et le portefeuille des affaires étrangères était confié par intérim à Lord Bathurst, ministre des colonies. J'assistais aux funérailles de Lord Londonderry à Westminster le 20 août. Le duc de Wellington paraissait ému. Lord Liverpool était obligé de se couvrir le visage de son chapeau pour cacher ses larmes. On entendit au dehors quelques cris d'insultes et de joie lorsque le corps entra dans l'église. Colbert et Louis XIV furent-ils plus respectés? Les vivants ne peuvent rien apprendre aux morts. Les morts, au contraire, instruisent les vivants. Fin de la section 28.